des guerres urbaines, où l'amour a tout laissé, à la peur, à la haine. Je connais des dunes parsemées de landes légères, au pied des pierres dressées qui regardent la mer. Au creux de ma terre, je veux t'emmener sous les lunes claires quand revient l'été. Au creux de ma terre, viens me retrouver, viens semer tes rêves sous le ciel étoilé. Ces combats perdus et des points levés pour la couleur d'une rue, d'une identité. Je connais des monts endormis, peuplés de mystères. Ce n'est pas la fin d'un monde, c'est un fini mystère. Au creux de ma terre, je veux t'emmener sous les lunes claires quand revient l'été. Au creux de ma terre, viens me retrouver, viens semer tes rêves sous le ciel étoilé. Hey. Et quand le jour doucement invitera la nuit, en silence, la campagne assoupie, on entendra peut-être loin le chant des sonneurs. Il y aura sûrement une danse qui te prendra le cœur. Au creux de ma terre, je veux t'emmener sous les lunes claires quand revient l'été.